De la Terre à la Lune, par Jules Verne. Chapitre 1er, le Gun Club. Pendant la guerre fédérale des États-Unis, un nouveau club très influent s'établit dans la ville de Baltimore, en plein Maryland. On sait avec quelle énergie l'instinct militaire se développa chez ce peuple d'armateurs, de marchands et de mécaniciens. De simples négociants enjambèrent leur comptoir pour s'improviser capitaines, colonels, généraux, sans avoir passé par les écoles d'application de West Point. Ils égalèrent bientôt, dans l'art de la guerre, leurs collègues du vieux continent, et comme eux, ils remportèrent des victoires à force de prodiguer les boulets, les millions et les hommes. Mais en quoi les Américains surpassèrent singulièrement les Européens, ce fut dans la science de la balistique. Non que leurs armes atteignissent un plus haut degré de perfection, mais elles offrirent des dimensions inusitées et eurent par conséquent des portées inconnues jusqu'alors. En fait de tirs rasants, plongeants ou de plein fouet, de feux d'écharpe, d'enfilade ou de revers, les Anglais, les Français, les Prussiens n'ont plus rien à apprendre. Mais leurs canons, leurs obusiers, leurs mortiers ne sont que des pistolets de poche auprès des formidables engins de l'artillerie américaine. Ceci ne doit étonner personne. Les Yankees, ces premiers mécaniciens du monde, sont ingénieurs, comme les Italiens sont musiciens et les Allemands métaphysiciens, de naissance. Rien de plus naturel, dès lors, que les voir apporter dans la science de la balistique leur audacieuse ingéniosité. De là, ces canons gigantesques, beaucoup moins utiles que les machines à coudre, mais aussi étonnants et encore plus admirés. On connaît en ce genre les merveilles de Parrott, de Dahlgren, de Rodman. Les Armstrong, les Palliser et les Treuil de Beaulieu n'eurent plus qu'à s'incliner devant leurs rivaux d'outre-mer. Donc, pendant cette terrible lutte des nordistes et des sudistes, les artilleurs tinrent le haut du pavé. Les journaux de l'Union célébraient leurs inventions avec enthousiasme, et ils n'étaient si minces marchands, si naïfs boobies, qui ne se cassa jour et nuit la tête à calculer des trajectoires insensées. Or, quand un Américain a une idée, il cherche un second Américain qui la partage. Sont-ils trois? Ils élisent un président et deux secrétaires. Quatre, ils nomment un archiviste, et le bureau fonctionne. Cinq, ils se convoquent en assemblée générale, et le club est constitué. Ainsi arriva-t-il à Baltimore. Le premier qui inventa un nouveau canon s'associa avec le premier qui le fondit et le premier qui le fora. Tel fut le noyau du Gun Club. Un mois après sa formation, il comptait 1803 membres effectifs et 30575 membres correspondants. Une condition sine qua non était imposée à toute personne qui voulait entrer dans l'association, la condition d'avoir imaginé ou, tout au moins, perfectionné un canon. À défaut de canon, une arme à feu quelconque. Mais pour tout dire, les inventeurs de revolvers à 15 coups, de carabines pivotantes ou de sabres-pistolets ne jouissaient pas d'une grande considération. Les artilleurs les primaient en toutes circonstances. L'estime qu'ils obtiennent, dit un jour un des plus savants orateurs du Gun Club, est proportionnelle aux masses de leurs canons, et en raison directe du carré des distances atteintes par leurs projectiles. Un peu plus, c'était la loi de Newton sur la gravitation universelle transportée dans l'ordre moral. Le Gun Club fondé, on se figure aisément ce que produisit en ce genre le génie inventif des Américains. Les engins de guerre prirent des proportions colossales, et les projectiles allèrent au-delà des limites permises, couper en deux les promeneurs inoffensifs. Toutes ces inventions laissèrent loin derrière elles les timides instruments de l'artillerie européenne, qu'on en juge par les chiffres suivants. Jadis, au bon temps, un boulet de 36 à une distance de 300 pieds traversait 36 chevaux pris de flanc et 68 hommes. C'était l'enfance de l'art. Depuis lors, les projectiles ont fait du chemin. Le canon Rodman, qui portait à 7000 un boulet pesant une demi-tonne, aurait facilement renversé 150 chevaux et 300 hommes. Il fut même question au Gun Club d'en faire une épreuve solennelle. Mais si les chevaux consentirent à tenter l'expérience, les hommes firent malheureusement défaut. Quoi qu'il en soit, l'effet de ces canons était très meurtrier, et à chaque décharge, les combattants tombaient comme des épis sous la faux. Que signifiait, auprès de tels projectiles, ce fameux boulet qui, à Coutras, en 1587, mit 25 hommes hors de combat, et cet autre qui, à Zorndorf, en 1758, tua 40 fantassins, et en 1742, ce canon autrichien de Kesseldorf, dont chaque coup jetait 70 ennemis par terre. Qu'étaient ces feux surprenants de Iéna ou d'Austerlitz qui décidaient du sort de la bataille? On en avait vu bien d'autres pendant la guerre fédérale. Au combat de Gettysburg, un projectile conique lancé par un canon rayé atteignit 173 confédérés. Et au passage du Potomac, un boulet Rodman envoya 215 sudistes dans un monde évidemment meilleur. Il faut mentionner également un mortier formidable inventé par J.T. Maston, membre distingué et secrétaire perpétuel du Gun Club, dont le résultat fut bien autrement meurtrier puisque, à son coup d'essai, il tua 337 personnes, en éclatant, il est vrai. Qu'ajouter à ces nombres si éloquents par eux-mêmes? Rien. Aussi admettra-t-on sans conteste le calcul suivant, obtenu par le statisticien Pitcairn. En divisant le nombre des victimes tombées sous les boulets par celui des membres du Gun Club, il trouva que chacun de ceux-ci avait tué pour son compte une moyenne de 2375 hommes et une fraction. C'était une réunion d'anges exterminateurs, au demeurant les meilleurs fils du monde. Il faut ajouter que ces Yankees, braves à toute épreuve, ne s'en tinrent pas seulement aux formules et qu'ils payèrent de leur personne. On comptait parmi eux des officiers de tout grade, lieutenants ou généraux, des militaires de tout âge, ceux qui débutaient dans la carrière des armes et ceux qui vieillissaient sur leur affût. Beaucoup restèrent sur le champ de bataille dont les noms figuraient au livre d'honneur du Gun Club, et de ceux qui revinrent, la plupart portaient les marques de leur indiscutable intrépidité. Béquilles, jambes de bois, bras articulés, mains à crochet, mâchoires en caoutchouc, crâne en argent, nez en platine, rien ne manquait à la collection, et le sidi Pitcairn calcula également que, dans le Gun Club, il n'y avait pas tout à fait un bras pour quatre personnes et seulement deux jambes pour six. Mais ces vaillants artilleurs n'y regardaient pas de si près, et ils se sentaient fiers à bon droit, quand le bulletin d'une bataille relevait un nombre de victimes décuple de la quantité de projectiles dépensés. Un jour, pourtant, triste et lamentable jour, la paix fut signée par les survivants de la guerre, les détonations cessèrent peu à peu, les mortiers se turent, les obusiers muselés pour longtemps et les canons tête basse rentrèrent aux arsenaux, les boulets s'empilèrent dans les parcs, les souvenirs sanglants s'effacèrent, les cotonniers poussèrent magnifiquement sur les champs largement engraissés, les vêtements de deuil achevèrent de s'user avec les douleurs, et le Gun Club demeura plongé dans un désœuvrement profond. Certains piocheurs, des travailleurs acharnés, se livraient bien encore à des calculs de balistique. Ils rêvaient toujours de bombes gigantesques et d'obus incomparables. Mais sans la pratique, pourquoi ces vaines théories? Aussi, les salles devenaient désertes. Les domestiques dormaient dans les antichambres. Les journaux moisissaient sur les tables. Les coins obscurs retentissaient de ronflements tristes. Et les membres du Gun Club, jadis si bruyants, maintenant réduits au silence par une paix désastreuse, s'endormaient dans les rêves de l'artillerie platonique. « C'est désolant !» dit un soir le brave Tom Hunter, pendant que ses jambes de bois se carbonisaient dans la cheminée du fumoir. « Rien à faire, rien à espérer. Quelle existence fastidieuse! Où est le temps où le canon vous réveillait chaque matin par ses joyeuses détonations ?»« Ce temps-là n'est plus !» répondit le fringant Billsby, en cherchant à se détirer les bras qui lui manquaient. C'était un plaisir, alors. On amontait son obusier, et à peine fondu, on courait l'essayer devant l'ennemi. Puis on rentrait au camp avec un encouragement de Sherman ou une poignée de main de McClellan. Mais aujourd'hui, les généraux sont retournés à leur comptoir, et au lieu de projectiles, ils expédient d'innocentes balles de coton. Ah, Sainte-Barbe, l'avenir de l'artillerie est perdu en Amérique. Oui, Billsby, s'écria le colonel Bloomsbury. Voilà de cruelles déceptions. Un jour, on quitte ses habitudes tranquilles, on s'exerce au maniement des armes, on abandonne Baltimore pour les champs de bataille, on se conduit en héros, et deux ans, trois ans plus tard, il faut perdre le fruit de tant de fatigue, s'endormir dans une déplorable oisiveté et fourrer ses mains dans ses poches. Quoi qu'il pût dire, le vaillant colonel eût été fort empêché de donner une pareille marque de son désœuvrement. Et cependant, ce n'était pas les poches qui lui manquaient. « Et nulle guerre en perspective !» dit alors le fameux J.T. Maston, en grattant de son crochet de fer son crâne en gutta-percha. « Pas un nuage à l'horizon, et cela quand il y a tant à faire dans la science de l'artillerie. Moi qui vous parle, j'ai terminé ce matin une épure avec plan, coupe et élévation d'un mortier destiné à changer les lois de la guerre. « Vraiment, » répliqua Tom Hunter, en songeant involontairement au dernier essai de l'honorable J.T. Maston. « Vraiment, » répondit celui-ci. « Mais à quoi serviront tant d'études menées à bonne fin, tant de difficultés vaincues, n'est-ce pas travailler en pure perte ? Les peuples du Nouveau Monde semblent s'être donné le mot pour vivre en paix, et notre belliqueux Tribune en arrive à pronostiquer de prochaines catastrophes dues à l'accroissement scandaleux des populations. « Cependant, Maston, » reprit le colonel Bloomsbury, « on se bat toujours en Europe pour soutenir le principe des nationalités. Eh bien, il y aurait peut-être quelque chose à tenter là-bas, si l'on acceptait nos services. « Y pensez-vous ? » s'écria Bilsby, « faire de la balistique au profit des étrangers ?»« Cela vaudrait mieux que de n'en pas faire du tout, » riposta le colonel. « Sans doute, » dit J.T. Maston, « cela vaudrait mieux. » Mais il ne faut même pas songer à cet expédient. « Et pourquoi cela ?» demanda le colonel. « Parce qu'ils ont dans le vieux monde des idées sur l'avancement qui contrarierait toutes nos habitudes américaines. Ces gens-là ne s'imaginent pas qu'on puisse devenir général en chef avant d'avoir servi comme sous-lieutenant, ce qui reviendra à dire qu'on ne saurait être bon pointeur à moins d'avoir fondu le canon soi-même. « Or, c'est tout simplement absurde !» répliqua Tom Hunter, en déchiquetant les bras de son fauteuil à coups de Bowie Knife 7. Et puisque les choses en sont là, il ne reste plus qu'à planter du tabac ou à distiller de l'huile de baleine. « Comment ?» s'écria J.T. Maston d'une voix retentissante. « Ces dernières années de notre existence, nous ne les emploierons pas au perfectionnement des armes à feu. Une nouvelle occasion ne se rencontrera pas d'essayer la portée de nos projectiles. L'atmosphère ne s'illuminera plus sous l'éclair de nos canons. Il ne surgira pas une difficulté internationale qui nous permette de déclarer la guerre à quelque puissance transatlantique. Les Français ne couleront pas un seul de nos steamers, et les Anglais ne prendront pas, au mépris du droit des gens, trois ou quatre de nos nationaux. « Non, Maston, » répondit le colonel Bloomsbury, « nous n'aurons pas ce bonheur. Non, pas un de ces incidents ne se produira, et se produisit-il, nous n'en profiterions même pas. La susceptibilité américaine s'en va de jour en jour, et nous tombons en quenouille. « Oui, nous nous humilions, » répliqua Bilsby. « Et on nous humilie, » riposta Tom Hunter. « Tout cela n'est que trop vrai, » répliqua J.T. Maston avec une nouvelle véhémence. « Il y a dans l'air mille raisons de se battre, et l'on ne se bat pas. On économise des bras et des jambes, et cela au profit de gens qui n'en savent que faire. Et tenez, sans chercher si loin un motif de guerre. » L'Amérique du Nord n'a-t-elle pas appartenu autrefois aux Anglais ? Sans doute, répondit Tom Hunter en tisonnant avec rage du bout de sa béquille. Eh bien, reprit J.T. Maston, pourquoi l'Angleterre, à son tour, n'appartiendrait-elle pas aux Américains ? Ce ne serait que justice, riposta le colonel Bloomsbury. Allez proposer cela au président des États-Unis, s'écria J.T. Maston, et vous verrez comment il vous recevra. Il nous recevra mal, murmura Bilsby entre les quatre dents qu'il avait sauvées de la bataille. « Par ma foi, » s'écria J.T. Maston, « aux prochaines élections, il n'a que faire de compter sur ma voix. »« Ni sur les nôtres, » répondirent d'un commun accord ces belliqueux invalides. « En attendant, » reprit J.T. Maston, « et pour conclure, si l'on ne me fournit pas l'occasion d'essayer mon nouveau mortier sur un vrai champ de bataille, je donne ma démission de membre du Gun Club, et je cours m'enterrer dans les savanes de l'Arkansas. » « Nous vous y suivrons, » répondirent les interlocuteurs de l'audacieux J.T. Maston. Or, les choses en étaient là. Les esprits se montaient de plus en plus, et le club était menacé d'une dissolution prochaine, quand un événement inattendu vint empêcher cette regrettable catastrophe. Le lendemain même de cette conversation, chaque membre du cercle recevait une circulaire libellée en ces termes. « Baltimore, 3 octobre. » Le président du Gun Club a l'honneur de prévenir ses collègues qu'à la séance du Saint-Courant, il leur fera une communication de nature à les intéresser vivement. En conséquence, il les prie, toute affaire cessante, de se rendre à l'invitation qu'il leur est faite par la présente. Très cordialement, leur MP Barbicane, PGC.